Bonjour et bienvenue à cette conférence de Daniel Kahn par un beau dimanche après-midi. Un peu froid. Dans la salle, oui. Daniel, j'aimerais commencer cette conférence. Moi, j'aurais voulu commencer par d'autres choses. Par un sujet. C'est que si je te laisse commencer, tu vas vouloir parler du silence. On va être 3 heures à rien entendre. Je voudrais parler de la mort. Oh, c'est un sujet vivant. OK. La mort. La mort, naturellement, plus qu'on avance dans le temps avec les nouveaux écrits qu'il y a, il y a différentes facettes qu'on n'avait pas entrevues autrefois, ou bien qui avaient été mentionné dans des livres strictement ésotériques. Mais si on regarde des personnes qui sont rendues à 80-85 ans, qui ont subi 20-25 opérations, qui ont été malades toute leur vie et qui ont encore un cerveau qui est fonctionnel, qui fonctionne bien, comparé avec des athlètes de 28-29 ans qui sont en pleine forme physique et qu'à l'âge de 29 ans, le cœur arrête durant le sommeil. Qu'est-ce que c'est? Naturellement, on sait qu'aujourd'hui, la mort, c'est la séparation des corps ou de certains corps. Qu'est-ce que c'est qui se produit? Il y a certainement une volonté qui fait en sorte que le cœur arrête dans un corps parfaitement en santé, selon notre connaissance, à l'âge de 29 ans, tandis qu'une personne, certaines personnes qui se rendent à 80-85 ans avec des souffrances énormes, puis qui fonctionnent encore très bien. Bon, c'est une multiple question parce qu'on ne peut pas répondre comme ça. La majorité des athlètes ne sont pas en santé, ils sont en forme. Ils sont drogués au maximum, leur corps est extrêmement usé, le système endocrinien fonctionne très mal, le cerveau a commencé souvent à dépérir. Ils sont en forme, ils ne sont pas en santé. Et ça, c'est un point qui est important à retenir, c'est qu'on peut être en santé sans être en forme, on peut être en forme sans être en santé, puis le meilleur des deux, évidemment, c'est d'être en santé et d'être en forme. Alors, quelqu'un qui est en santé, comme je rencontrais une de mes oncles quand j'étais jeune, qui me disait que lui était en bien meilleure santé que moi, parce qu'il était bien plus fort que moi. Fait que moi, je donnais un coup de pied d'un canne, on disait à l'époque, un coup de pied dans les tibias, puis là, je me poussais en courant. Il me courait après. Si j'étais capable d'éviter le premier 30 mètres pour pas qu'il m'attrape, après ça, le gros en santé était fini, t'es plus capable, t'es soufflé, et j'ai cherché une cigarette puis une bière pour s'en remettre. Alors, lui, il était plus fort que moi. Moi, j'étais en meilleure forme que lui et en meilleure santé que lui. Alors, les personnes âgées qui sont encore régulièrement entretenues par la médecine, donc qui sont vivantes uniquement parce que quelque part, on a décidé que quand un cheval était mourant, on l'achevait, c'était d'être humain. Puis quand c'était un vieillard, on ne l'achevait pas, c'était d'être humain. Eux sont maintenus en vie par une panoplie de choses synthétiques, des machines, des médicaments, et aussi la peur de mourir. Alors que l'athlète qui souvent va dire, même à des journalistes, « Moi, si je meurs après avoir une médaille d'or à cause des drogues que je prends, ben, c'est pas grave. » Lui, un, n'a pas peur de mourir, il n'a pas la même conscience, en plus, il n'y croit pas. Donc, il y a des choses au niveau de sa conscience astrale qui ne résisteront pas à la mort autant que chez un vieillard, mais surtout, son corps est très, très, très abîmé. Maintenant, si on élimine, donc, si on prend un corps, disons, de constitution normale, pas nécessairement un corps d'athlète, parce que nos athlètes aujourd'hui sont souvent très abîmés. Alors, si on prend un corps normal, par exemple, on prend une personne qui va mourir d'un arrêt cardiaque à 35 ans, constitution normale, santé moyenne, puis forme moyenne. Comparer un vieillard qui a une santé moins 4, qui a une forme moins 200, et qui va continuer à vivre avec son sac Stamberg de médicaments jusqu'à l'âge de 85, 86, 90 ans, des fois même 102, 103, 104 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est une grosse question de génétique, une grosse question de plan de vie. Il y a peur que tu... Voilà. les individus aussi ont un des grands points qui fait en sorte que tu meurs ou que tu ne meurs pas. Il y a la génétique, ton plan de vie. Le plan de vie, c'est tout ce qui astralement vient déterminer. On peut changer ça. C'est tout ce qui astralement vient déterminer un peu ce que tu vas faire. Puis le gros de l'agression dans le corps physique va être déterminé par ton stress. Le vieillard n'a plus de stress depuis longtemps. Puis les personnes qui sont en théorique santé ou théorique forme qui vont mourir dans un âge relativement jeune sont souvent des personnes qui sont hautement stressées. OK. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le point que la mort, c'est la séparation du corps vital avec les autres corps? Oui, la mort, c'est un manque de savoir-vivre. C'est un manque de savoir-vivre. Mais es-tu d'accord? Est-ce qu'on peut établir, Daniel, que lorsque la mort, c'est le corps vital qui quitte le corps physique, le corps astral? Bon, non. Le corps mental. Non et oui. C'est-à-dire que si on regarde à partir des yeux de l'humain qui reste dans le corps physique, la mort, c'est quand le corps vital ou quand les principes de vie quittent le corps physique. Sauf que l'individu, si on gagne dans la... Par exemple, tu as le corps physique, c'est le corps vital, le corps astral, le corps mental. Si ça quitte le corps physique, du point de vue de l'humain qui reste dans son corps physique, il va dire qu'il est mort. Si tu gagnes le plan astral ou si tu gagnes le plan moronciel, le plan vital, par un voyage, en restant en vie dans ton corps physique, tu vas te rendre compte que l'individu n'est pas encore mort, il est dans le plan moronciel, et que s'il gagne le monde astral, là, il est mort. Okay. Donc, on peut déterminer deux morts. L'abandon du véhicule planétaire, la matière, ou la perte de tout ce qui te permet d'avoir une conscience mémorielle. Si tu gagnes le monde astral qui est dissous dans le monde astral, tu es dilué, donc tu perds totalement la conscience mémorielle, ce qui fait que tu n'as aucune idée de ce que tu étais, et plus le temps va passer, moins tu auras été quelqu'un. C'est la vraie mort. Alors que si c'est uniquement la perte du corps physique, tu n'es pas mort, mais le corps est mort. Oui, mais moi, je repose ma question. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais pour que le corps physique soit en vie, qu'il vive tel qu'on utilise le mot aujourd'hui, il faut que le corps vital soit dedans. Quand le corps vital est sorti, il n'y a plus de vie tel que la science l'enseigne. Le corps physique, physique est mort. OK. C'est ce que je veux. On est d'accord là-dessus. OK. Lorsque on a noté, on a tous vu des reportages de gens qui ont eu des accidents absolument incroyables. Oui, l'homme de 6 millions, par exemple. Un accident absolument incroyable. Non, mais il y a des gens qui, normalement, selon notre science, je me base toujours là-dessus. Non, je pars, Daniel, sur le plan des vaches, sur le terrain des vaches, OK? Et puis, ces gens-là ont resté en vie. Pourquoi ils ont resté en vie, même si normalement, il y aurait dû, même si 99% ou 95% de la population sont morts, c'est parce que le corps vital a resté dans le corps physique. Bon, je vais te donner un exemple. Dernièrement, je disais, il y a un jeune en bas de 10 ans qui est tombé d'un deuxième étage puis qui s'est embroché sur une tige de métal qui servait de tuteur à un arbuste. La tige est rentrée par l'abdomen, a traversé les poumons, a traversé le cœur au complet, a coupé la jugulaire, elle s'est arrêtée sur le bord du cou en haut. L'enfant est resté vivant, ils l'ont opéré, ils l'ont coupé au complet, ils ont sorti la tige, ils ont tout refermé, 3 jours après, t'es rentré chez lui. Le médecin, la tige traversait le cœur. Le cœur continue à battre, et tout était correct. Puis l'enfant, tout ce qu'il disait, c'est « ôtez-moi ça, ça brûle ». Dans ce cas-là, le médecin lui-même disait « il n'est pas chanceux, il est miraculé ». Mm-hmm. Bon, la jugulaire est tranchée, mais la tige l'écrase, donc ça ne saigne pas. Le cœur est traversé dans des endroits pas trop dangereux, mais il y a quand même un ventricule qui est percé bord en bord. Tout est défort. En tout cas, à chaque partie où la tige a traversé, tu as une chance sur 1 million de t'en sortir. Ça a traversé 25 parties comme ça. Okay. Donc, tu n'as plus de chance. C'est pas un hasard. Non. Il y a quelque chose occultement qui a permis à cet enfant-là de vivre. Deux jeunes qui tombent dans l'eau froide, qui se noient, et puis on les ressort tous les deux au bout d'une heure et demie. Puis il y en a un qui, le lendemain matin, rentre chez lui. L'autre, il s'en va au cimetière. Oui. Bon, et les deux ont le même plan de vie comme tel, c'est-à-dire que les deux sont tombés en même temps, à même place, sont sortis en même temps, à même place, ils ont eu les mêmes soins. Puis il y en a un qui, une journée et demie ou deux après, s'en va chez lui, aucune séquelle neuronique. Okay. Tout est parfait. Qu'est-ce qui explique ça, c'est ça? C'est la même chose que ma femme de tantôt, auquel je pensais, qui a 83 ans, qui a subi au-delà de 20 opérations, qui a été malade toute sa vie, qui a, en passant, t'as mentionné parce qu'ils n'ont plus de stress, mais qui a eu du stress, énormément de stress, amené jusqu'à là, quelques années, 2-3 ans, et puis qui vit encore, qui a encore un cerveau qui fonctionne. Moi, je regarde cette personne-là lorsque je parle avec et je vois que son corps vital ne veut pas le quitter. Bon. Ce n'est pas nécessairement elle qui mène ça, c'est son plan de vie. C'est pas elle qui mène mais, ça. Mais mécaniquement, son corps vital ne la lâche pas. Non. Elle, ce qui lui arrive, c'est quelque chose qui va arriver probablement à un individu sur 10 000 ou sur 20 000. Parce qu'il y a une quantité minimale d'individus qui ne peuvent pas mourir dans des situations normales. Bon, là, je t'explique ça, après ça, on pourra rentrer, fouiller un peu là-dedans. Sur une population de, on va dire 20 000 individus, le chiffre est inexact, sur une population de 20 000 individus, si on prend une arme à feu, par exemple, puis qu'on le colle à une bonne place sur la nuque, puis qu'on tire, sur 20 000 individus, il y en aura quelques-uns qui vont s'en sortir vivants, sans aucune séquelle. Il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir vivants à légumes, les autres vont tous mourir. Si, par exemple, on prend 20 000 individus, on les enferme dans une salle où on met un gaz toxique comme du chlore ou un gaz de cyanure, par exemple, mais encore là, même si tu laisses le gaz et les gens pendant 2 jours là-dedans, alors qu'après 15 minutes, ils sont morts, quand tu vas ressortir les cadavres, il va y avoir du monde qui vont revenir à la vie dehors, ils n'auront pas été tués. Si, par exemple, tu prends 20 000 individus, tu les places dans un endroit particulier, tu fais sauter une bombe nucléaire au-dessus de leur tête, il va y avoir encore quelques individus qui ne seront pas affectés ni par la radioactivité, ni par l'effet de souffle, qui vont rester totalement intacts. Tous les murs autour d'eux vont voler, vont prendre en feu, eux vont rester intacts. Mais cela est explicable par la science aujourd'hui? Non. On a du moins donné comme raison que les gens qui étaient à Hiroshima et Nagasaki, en plein milieu de la bombe atomique, qui ont survécu, qui ont tout vu. La raison, c'est que leur vibration, le taux vibratoire de tout leur corps, ainsi que leur corps physique, a monté au même niveau que le taux de la lumière qui était à l'intérieur de la bombe atomique. C'est pour ça qu'ils ont pu y survivre. Oui, mais ce n'est pas une explication scientifique. De toute façon, la science n'explique absolument rien au 20e siècle, elle décrit. Mais est-ce que cette raison-là est juste? Selon toi. Oui, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est le principe qui va faire qu'ils vont y échapper. Sauf que, pourquoi lui ou elle, son tour a-t-il monté juste au bon moment, pendant qu'un cheval se désintègre en avant d'une personne, puis que l'église revole en arrière, elle regarde le cheval se désintégrer, elle se vire d'abord pour entrer, se mettre à l'abri, et puis l'église était là. Bon, mais le phénomène, c'est que sur une quantité d'êtres humains, disons 20 000, elle va s'en sortir. Alors, si, par exemple, c'est une balle de fusil, comme dans les camps de concentration nazis, il y a plusieurs personnes qui s'en sont sorties, on mitraillait tout le monde au maximum, mais il y avait toujours une ou deux ou trois personnes que la balle n'avait pas réussi à pénétrer le crâne, elle avait rebondi, elle avait ceci, cela, la personne avait été assommée, elle se réveille après, elle arrive de sortir de sous terre, même si elle avait été enterrée, et puis elle s'en sort. Là, son taux vibratoire n'a pas été augmenté à la hauteur de la vibration de la balle de fusil. Elle ne meurt pas, c'est simple. Bon, les personnes à Hiroshima ne meurent pas. Les personnes dans les accidents d'avion, il y a des accidents d'avion régulièrement, mais sur une quantité de morts dans les avions, il y aura toujours un ou deux ou trois survivants miraculés. On en a qui des avions qui ont explosé en plein vol. Il y a du monde qui tombe et puis on les retrouve en bas, qui ont une fracture à un tibia. 3 mois après, c'était une hôtesse, entre autres, elle a repris son service à bord des avions. Une chute d'à peu près 20 000 pieds, suite à une explosion en vol d'une bombe, et puis une fracture à une jambe, c'est tout ce qu'elle a eu. Et ça, on en a d'année en année, après les 2-3 ans, ça dépend de la quantité des individus. Le principe est simple au départ à dire, c'est que tu ne peux pas exterminer l'humanité. Ça veut dire que à travers ce principe-là, il y a donc une quantité d'individus X, et qui ne mourront pas de par les principes traditionnels. Par exemple, tu as un édifice qui va s'effondrer, comme c'est arrivé dernièrement en Thaïlande, il y a un hôtel qui s'est effondré, ça écrase tout le monde au complet, mais si tu fouilles, il y aura des survivants. Ça dépend toujours de la quantité d'individus qu'il y aura là. Il y a, et ces miraculés-là, il y en aura toujours, simplement parce qu'au départ, il y a des êtres humains, on parle donc de ces vieux-là, qui ne peuvent pas mourir maintenant. Ils ne meurent pas. Tant qu'ils n'auront pas été remplacés par un autre immortel, ils restent là. Puis à un moment donné, c'est comme si on avait... Je te simplifie ça énormément, on pourra fouiller un peu plus si on veut, mais disons que dans une population de 5 milliards d'humains, il y a 1 million d'humains immortels en même temps. Ça veut dire que s'il vient au monde un autre immortel, peut partir un immortel. Oui, mais là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je ne parle pas d'immortels, Daniel. Ce ne sont pas des immortels. Non, mais c'est l'exemple que je te donnais. Ce que je veux dire, c'est juste que le corps vital ne veut pas quitter le corps physique. Il ne peut pas. Le corps est immortel. Mais c'est un immortel temporairement. Exact. Lorsqu'on fait référence à immortel, on parle d'immortel immortel. Bon, c'est un intuable. Intuable pour l'instant, oui. Toujours. C'est ça. Ça, je dis que si tu as, mettons, besoin d'un million d'immortels, s'il en vient un de plus au monde, il y en a un qui peut maintenant décoller. C'est que ta personne âgée peut maintenant mourir. Sur la planète Terre, la stabilité reste. Tu as une quantité d'individus qui vont vivre quoi qu'il arrive. Bon, il en vient au monde, alors il y en a qui vont partir. Mais tu ne peux pas exterminer la race, aucune race, tu ne peux pas. Pas au niveau de l'humain. Au niveau des animaux, tu as des chances de pouvoir le faire. Au niveau des humains, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que ça fonctionne exactement dans le culte? Qu'est-ce qui se passe au corps astral? Qu'est-ce qui se passe au corps mental? Oui. Corps mental, s'il y a lieu. Dans certains cas, il n'y a pas de corps mental. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il est supporté? Il semblerait, ça me vient à l'esprit, il semblerait qu'il y aurait une pensée positive ou quelque chose semblable qui a permis, qui a aidé à ce que le corps vital reste accroché. Okay. Ça, c'est l'explication que les récupérateurs vont donner. Par exemple, si lors de l'explosion à Hiroshima, il y a une sœur qui s'en sort vivante, les récupérateurs vont dire parce qu'elle venait de prier. Mais s'il y avait un disciple de Krishna qui sort vivant, les récupérateurs vont dire parce qu'il venait de danser. Donc, il y a des personnes qui cultivaient leur champ, il y a des personnes qui étaient en train de faire l'amour, des personnes en train de s'engueuler, il y a des personnes qui étaient en train de le boire, puis sont restés vivants. Okay. Donc, ça n'a pas l'effet de la pensée positive où toutes ces choses-là au complet n'ont aucune action. Quelqu'un qui vend la pensée positive va dire que les gens étaient, etc. Ça n'a aucune action parce que dans l'Église, il y a un paquet de personnes qui viennent prier, ils sont tous morts, sauf une. C'est-à-dire, ça n'a pas d'action, mais ça serait peut-être une résultante à ces gens-là, Daniel? Non. Si on faisait une étude, on pourrait peut-être s'apercevoir que ces gens-là, en général, sont en résultante positif. Non, si on faisait une étude... Dans leur forme de pensée. Si on faisait une étude, on va découvrir que... les gens étaient dans l'état qui nous plaît le plus qu'ils soient quand c'est arrivé. Okay. C'est-à-dire qu'on va, on veut pas se leurrer dans l'explication, puis on va s'en aller inventer des théories qui ne vont pas avec la vie. OK, on y reviendra plus tard. Mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun, occultement, astralement, et... C'est difficile de parler, là, éthériquement ou bien mentalement, ou parce que faudrait établir avant, mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans l'astral, dans les corps astraux, qui font en sorte que... C'est pas dans l'astral, c'est dans le continuum, c'est dans le contexte d'expression de la vie de l'être humain. OK. Il y a un certain nombre d'individus par population qui vont rester en vie malgré tout. Puis qui sont ces individus-là, ça peut changer du jour au lendemain. Il n'y a pas de rien. Moi, j'ai été frappé par une automobile quand j'étais très, très, très jeune. J'ai traversé la rue dans les airs. Je suis arrivé le dos sur une barre de trottoir. Une bonne femme qui m'a levé debout de suite. Puis... j'avais rien. Ouais. Mais là, tu n'as fait rien parce que tu... Ouais. J'ai perdu mes lunettes. Bon, tu avais quelque chose. Tu n'es pas parfait. Je voyais clair, par exemple. Jusqu'à temps qu'on me demande, tes lunettes sont où? Là, je ne voyais plus rien. Ah, c'est niaiseux, on m'a dit. Okay. Bon, mais moi, j'aimerais à ce que tu reviennes et puis que tu cherches un dénominateur commun qui est probablement une résultante basée sur ce que c'est que tu viens de mentionner, qu'on pourrait voir dans le corps astral de chacun de ces individus-là qui ont... que le corps vital ne laisse pas, le corps physique. Bon. Il y a une explication qui est très grande, toute petite. L'explication spirituelle, c'est la plus petite. On va en donner là-dedans. La plus grande dément la plus petite qui dément à l'autre. Est-ce que la plus grande, c'est la plus juste ou c'est la plus petite qui est la plus juste? La plus grande? C'est la plus alors, juste. Alors, c'est vers ça qu'on veut aller après-midi. Bon. Mais ça peut être très long. Bien, plus long que 3 heures. Résume. Fais comme l'entonnoir, là, fais juste sortir un peu. Bon. L'illusion dans laquelle l'humain est placé est une illusion qui est essentielle. Oui. Cette illusion-là ne peut pas être détruite tant que l'humain n'aura pas accompli ce qu'il a à faire. Dans cette illusion-là, il y a la matière, il y a les planètes, il y a les corps physiques. Et on conserve, il y a des corps physiques qui vont être conservés. C'est des matrices, ce sont des génétiques. Et il y aura toujours des corps physiques qui vont être conservés parce que dans l'illusion a une forme d'importance. Ça veut dire que... L'illusion du point de vue de l'homme. Non, c'est... Parce que pour répondre à ta question, comme je dis, okay. Ça va être long, je vais essayer de résumer... Il faut qu'on amène des nouveaux concepts un petit peu. Dans l'intérieur de 2 ou 3 minutes, je vais brosser un tableau où on pourra peut-être se situer ou aller situer quelque chose, OK? Si on prend l'intelligence, l'amour et la volonté, l'intelligence émanerait de la source centre première, l'amour de la source centre deuxième, la volonté de la source centre troisième, qui sont filtrés à travers un ou l'autre, mais l'intelligence en premier, là, OK? Disons que c'est à peu près, c'est pas nécessairement juste, mais c'est ça. Alors, ces trois sources-là, amour, volonté et intelligence, qui sont passées à travers le gros filtre qui serait l'île du paradis, sortiraient sous ce qu'on appelle l'esprit. OK? Qui est diffusé dans tout l'univers. Maintenant, c'est un esprit non manifesté, non manifestable, tant qu'il n'y a pas une forme. Les formes varient de archange, ange, Melchisedec, et la forme la plus manifestante est le corps physique de l'homme, tout en descendant. Il y a aussi les animaux, les plantes, les minéraux, ainsi de suite. C'est la même source, l'esprit. Qui contient l'intelligence, qui contient la volonté. OK? Quand que... Il faut que pour que l'homme puisse manifester un de ces trois principes, ou une partie, un mélange des trois ou de deux, il faut qu'il soit prêt à le manifester sans trop de coloration. Okay. Si on prend ça, là, c'est à peu près, on pourrait prendre ce tableau-là puis se baser pour faire quelque chose. Alors, partant de ce point-là, est-ce qu'il y a eu une influence de d'autres formes qui ont permis à ce que le corps vital ne laisse pas le corps physique? Bon, je vais dessiner une petite chose ici, là. Regarde, un dessin vaut 1000 mots. On va faire plein de dessins. Ce que tu dis est... C'est spiritualisé, évidemment, là, c'est pas... Parce que pour répondre à ta question qui est très intéressante, il faut amener de nouveaux concepts. Les concepts sont des formes qui traduisent la réalité dans une illusion accessible à l'humain, entre autres. Il y a un concept, c'est un concept, on ne peut pas dire que c'est la vraie, que c'est une réalité. C'est pas une réalité, mais c'est utilisable. C'est plus proche de la réalité, pour se rapprocher de la réalité. Oui. Ça permet à l'humain de grimper un pas vers la réalité, mais les mots ne pourront jamais traduire une réalité. C'est ça. Bon. Tu parles d'esprit. Bon. On va laisser faire tous les détails qu'il y a là-dedans, parce que ce serait long aussi, mais on va dire, on prend comme idée que ce que tu as expliqué est vrai. Mais lorsque l'esprit s'exprime dans une dimension, on a une dimension, on a un résultat dans son expression. Lorsque l'esprit s'exprime dans deux dimensions, on aura un autre résultat. Si l'esprit s'exprime dans trois dimensions, on aura un autre résultat. Dans quatre dimensions, on aura aussi un autre résultat. Si on parle de dimension, on aura un autre résultat. Dans quatre dimensions, on a ce que tu appelles l'homme, l'humain. Dans trois dimensions, on a l'animal. Dans deux dimensions, on a le végétal. Dans une dimension, on a le minéral. Je parle de l'esprit, je ne parle pas de ce que nous voyons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est capable de concevoir les trois dimensions de l'espace, hauteur, largeur, longueur, etc., et le temps. Capable de savoir qu'il y avait hier et qu'il y avait demain. L'animal ne connaît ni hier, ni maintenant, ni demain. L'intelligence, on parle de l'esprit. Si l'esprit s'exprime dans l'animal, il est exprimé sous forme de trois dimensions. La mort n'existe pas, la vie n'existe pas, la souffrance est illusoire. La souffrance de l'animal, c'est réellement neuronique. Ça n'a pas de mémoire. Si l'esprit s'exprime dans deux dimensions, les végétaux auront de l'esprit. Dans deux dimensions, ça veut dire que les végétaux ne sont même pas capables de constater quoi que ce soit d'un monde tridimensionnel, évidemment encore moins d'un monde quadridimensionnel. Puis le minéral, autant dire qu'il n'y a absolument rien là-dedans, sa vision est unidimensionnelle, donc elle est inexistante. Et si sa vision est bidimensionnelle, il peut percevoir des phénomènes, mais il y a bien des phénomènes qu'il ne percevra pas. Exactement comme un végétal, c'est un exemple que je te donne, le végétal te voit bien quand tu le regardes de face, quand tu te mets de côté, tu ne vois plus. Je vais te dire là, bon, tu n'as pas d'épaisseur. L'animal va être capable de voir l'individu sur trois sens, mais le temps n'existe pas. Si on compte plus visiblement, on a cinq dimensions. C'est-à-dire que le temps, il vit dans l'instantanéité seulement. Pour lui, il n'y a pas de temps. Comme tantôt, tu as mentionné, il n'y a pas de souffrance. Il y a une souffrance dans l'instantanéité pendant qu'elle est là. C'est une souffrance neuronique, elle n'existe même pas. Mais il la ressent. Il ne la ressent pas non plus. C'est neuronique, c'est chimique. C'est pas au niveau de la conscience. Mais quand tu lui coupes une patte, là, tu coupes une patte... Oui, le corps crie, l'animal ne souffre pas. Pourquoi c'est vraiment pas un problème quand un chat attrape une souris? La souris a crié, puis il m'a dit la souris relaxe, regarde, elle attend, d'un coup le chat commence. C'est juste des mécaniques chimiques, physiques. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Il n'y a pas d'agonie, il n'y a pas de rien de ça. Mais il y a une souffrance qui se vit. Physiquement, mais pas comme tu veux en parler. J'ai de la misère à comprendre ton explication. C'est une projection. Daniel. Pardon? C'est une projection. Oui. Qu'est-ce que je fais, c'est une projection? Oui. L'humain va penser que l'animal souffre, puis l'humain se projette. Bon, si ton chien... Prends un chat. Quand tu arraches une patte, je prends ton chat, là, tu arraches une patte. Il souffre. Prends une fourmi, arrache une patte. C'est la même souffrance. Oui, mais... La fourmi n'est pas aussi développée que le chat. Et le chat n'est pas aussi développé que l'humain. Non, il souffre non, pas le chat. Mais dans l'instantanéité, il ne souffre pas. Non, pourquoi est-ce qu'il va manifester de la souffrance? Le corps physique va manifester, oui. Mais donne des poumons, donne un centre laryngé à ta fourmi, puis donne une bouche pour gueuler. Puis il fait la gueule assez fort. Tu vois, quand il arrache une patte, il crie en tabarnouche. C'est ce que je voulais physique, dire tantôt. Le corps physique n'est pas de souffrance. Il y a une communication neuronique. Il faut que le cerveau soit au courant de ce qui se passe dans son véhicule. Ce n'est pas de la souffrance comme l'humain l'avait. L'humain, lui, c'est encore bien pire. Okay. Tu arrives à pied d'aiguille et il souffre déjà. Changeons le... C'est pas compliqué. Lui, il a une souffrance qui est différente. Je sais pas. Bon. OK, excuse. Tu as mentionné que comme l'homme la voit, comme nous on voit la souffrance, on pense que c'est comme ça. Mais est-ce qu'il la vit comme nous on la vit? Non. Si on se fait couper un bras, là, puis le chien se fait couper un bras, on se fait tous les deux couper. Le chien se fait couper une patte, puis l'homme se fait couper un bras en même temps, là, un à côté de l'autre. Là. Le sang sort les C'était deux. C'était pas la projection tellement. Le chien se fait couper un bras. Les deux se font couper un membre en même temps. Les deux vont se lamenter. Oui. Comme par exemple, coupe le cou à une poule. Tu sais comme ça, chez, tu vas en campagne, là? T'as une Saint-Pierre, infirmier, tu prends une poule. Tu coupes le cou à une poule. La poule, elle se met à courir d'un bord, puis de l'autre, elle fait le tour, ça court une poule, pas de tête, hein? Puis là, elle crie pas, évidemment, puis tu sens de la ranger. Bon. Mais ça court-tu? Il t'a barnouche, pauvre poule! Elle est pas là, elle. Ah. Non, il y a une souffrance physique, pas au niveau de la conscience. Le chien ne sait pas qu'il souffre. Il n'en a pas connaissance? Non. Okay. Physiquement, oui. Physiquement, il y a une mémoire physique seulement. Il n'y a pas de mémoire astrale. C'est ce que tu veux dire? Il n'y a pas de mémoire astrale de sa souffrance. C'est ce qui fait la différence. Parce que ce qu'il faut comprendre, je parlais donc d'illusion pour que si on veut expliquer la mort, par exemple. L'humain est dans un contexte illusoire au maximum. Je vais dessiner ici quelque chose. Puis pour arriver à comprendre ça, il faut sortir des illusions actuelles. Qui est capable réellement de conscientiser, de prendre conscience sans en avoir peur? Parce que la personne qui en a peur, c'est une personne qui veut pas voir la réalité. Par exemple, le corps physique un jour va mourir. Mais ça, pour l'humain, c'est inexistentiel, c'est pas vrai. L'humain ne veut pas voir la réalité. Parce que si l'humain verrait la réalité, il y a bien des choses qu'il fait présentement qu'il ne ferait plus. Puis la personne qui se fait remonter ici à tous les 5 ans, là, puis son corps finit par mourir de toute manière, à un moment donné, elle va se dire, ou encore, si tu te fais travailler les seins, tu peux avoir le cancer, ou etc., etc. Il y en a qui vont y aller. L'athlète qui va se droguer avec des stéroïdes, par exemple, puis qui sait très bien qu'il peut en mourir, puis il n'y en a rien à cirer, il n'est vraiment pas conscient de la mécanique. Quand tu lui dis, ceux qui font du bungee, par exemple, bon, tu as des chances de mourir. Tu sais, c'est stupide, tu mets ta vie en danger pour rien. Mais eux, mourir, c'est, ils ne mettent pas leur vie en danger, ils trippent. La conscience, elle est où? Ton corps physique, toi, il est fait avec un crâne. Tu as déjà vu ça, un crâne? Bon, il y a des clavicules, tu as numérus, tu as radius, cubitus, des mains, tu as le sternum, tu as les côtes, etc., le bassin, fémur, bon. Mais qui a réellement pris conscience qu'il habitait un paquet d'os? C'est entouré de chair, évidemment. C'est animé par du sang, un paquet d'autres choses, là. Mais le corps physique lui-même, là, si tu as déjà vu ça, un squelette? Il y en a dans tous les hôpitaux. Le gars s'appelait Oscar. C'est les os du corps, là. Oscar. C'est l'humain. Ça a été une femme, ça a été un homme, ça a été un bébé, ça a été un enfant, c'est un humain. Qui a conscience réellement d'habiter ça? Ben, c'est ça que c'est l'homme, là. C'est pas hier, c'est ce que c'est. C'est la structure qui tient le corps physique ensemble. Oui, mais c'est ça que c'est quand même. Bon, l'humain n'a pas... Quand je parle de monde illusoire, l'animal, il ne sait même pas, ça c'est pas compliqué bien. Mais prends un squelette de chien, c'est juste des os. Un chien mort, il pourrit, il s'en va, mais c'est le corps. Quand l'humain vit toute sa vie au complet, comment peux-tu continuer à prétendre que le biscuit qui reste dans la boîte, là, c'est extrêmement important pour toi, alors que toi, tu es confiné à vivre dans un paquet d'os? L'humain n'a pas conscience, absolument pas conscience de... Un, la précarité, évidemment, de la vie de son véhicule. Deuxièmement, qu'il est réellement dans un véhicule. Donc, comment je peux amener ça? Parce que l'humain n'a pas de conscience à ce niveau-là du tout, parce que l'humain, ça l'horrifierait. Fait qu'il faut en amener, pas trop. Il ne peut pas non plus avoir conscience de tout son système physique. En même temps, non, sera, son comme, cerveau moi, pourra pas tête, le prendre. Là, OK, puis je le place dans une petite auto télécommandée. Et toi, là, je te mets là-dedans. Mais tu es conscient. Vas-tu courir après le... Mettons, klaxonner pour avoir un nouveau pneu? Alors, c'est une 4 sur 9, ça va être ton but dans la vie, mais toi, tu restes le même genre du saut, là. Tu restes le même genre. Ton but dans la vie, une fois que ta conscience est implantée dans un automobile Radio Shack télécommandé, là, ton but, est-ce que ça va être qu'on fasse attention à ton antenne en haut, là, pour qu'on l'accroche? Ou de changer un pneu pour en mettre un plus gros, plus... Ta vie, ça va être de sacrer ton camp d'automobile. OK? C'est... Bon. Avec toute l'horreur que ça va être quand tu vas avoir une bébête approchée qui marche, ping, bang, bang, mais elle va pisser le bout pas dessus. Puis toutes les conneries, puis après ça, il y a un épée qui commence à apprendre, qui va te faire jouer dans la boîte, qui t'amène un peu partout. Ton but sera pas d'essayer de t'en sortir de la boîte, d'en faire voler partout, puis ce sera pas ça. Ça sera pas une conscience automobilisée. Tu vas voir, ton but, ça va être de sacrer ton camp là-dedans. Bon. Si t'es pogné à être là-dedans, c'est évident que tant qu'à être là-dedans, tu vas essayer de t'arranger, mettons, tu pourrais contrôler un peu l'automobile, tu vas essayer de t'arranger pour préserver au maximum l'intégrité du véhicule. Mais tu feras pas la course aux étiquettes. Une grosse étiquette ici, t'as l'air plus tough, t'as l'air plus beau, mais l'autre étiquette là, puis une affaire en haut sur le toit, t'en auras rien à foutre. Oui, parce que le but est différent. Non, le but, c'est de sortir de ça, là. Tandis que l'autre, c'est d'y rester. Fait qu'il met ses étiquettes. Ça dépend. Toi, là, présentement, ton but, là, c'est pas d'y rester dans le corps physique. La seule chose qu'il y a, c'est que tu sais pas où aller si tu sors de ton corps physique. Si t'es pris à être dans l'automobile, tu vas vouloir préserver l'automobile. Et pas mettre des étiquettes pour aller niaiser l'autre là-bas, puis aller chercher des gros pneus pour aller niaiser l'autre là-bas. OK, toi, le genre du saut d'aujourd'hui, là, placé dans une automobile, ça va être bien différent. Mais lui-même placé dans un corps physique, et finalement un paquet d'os qui ne tiennent pas ensemble, des ligaments, des muscles, toute une structure au complet, ah ben là, c'est tout différent. Là, l'humain, là, il joue comme s'il était dans l'automobile, puis il essayait d'avoir une étiquette Snap on Tool, puis des cossins de même, là. Canadian Tire, ces affaires-là, ça, c'est son but dans sa vie, ça, là. Mettre des gros pneus, des gros crampons, faire voler plus de boîtes, là. Ça, c'est son but dans sa vie. L'humain est exactement comme ça. Alors, l'humain est tellement confiné à penser que le corps de chair, c'est lui, c'est la vie, c'est ça, que nécessairement, tout son travail est limité à ça, à rien d'autre. Puis quand l'humain commence à prendre conscience, bien, c'est évident que là, il va aller fouiller ailleurs, mais l'humain n'a jamais suffisamment actuellement la conscience suffisamment élaborée pour aller fouiller ailleurs. Parce qu'une personne, comme on disait à la dernière conférence, quelqu'un qui est conscient d'être sa planète, il est en beau tabarnak. Tu sais, dans la merde jusqu'au cou. Bon, il n'y a rien à faire. Oui, mais il y a des bonnes choses. Oh, ouais, c'est sûr. Tu sais, quand une fois, t'es un petit peu moins, c'est un bonheur. C'est évident. L'humain n'a pas de conscience d'être dans un véhicule, de pouvoir voyager pendant ses rêves ou encore consciemment. L'humain ne travaille pas les sorties. L'humain ne travaille pas la communication avec d'autres intelligences. L'humain ne travaille absolument rien de ça. Parce que l'humain est dans un contexte d'illusion. Tu ne peux pas travailler avec d'autres intelligences si tu sais pas qu'ils existent. C'est pas ça qu'il y a. C'est que tu n'as rien à foutre qu'ils existent. Ouais. Moi, je rencontre du monde. Certain... Oui, mais... Je rencontre des gens... D'un certain côté, jusqu'à un certain point, c'est réel ce que tu dis. Non, c'est totalement réel. Mais tantôt, ça ne sera plus, par exemple. Moi, tantôt, c'est sûr, ça. Là. Mais habituellement, c'est moi qui parle de l'avenir et tu ne veux pas que j'en parle. Écoute bien. Mais sûr, tantôt, ça ne sera pas. Présentement, les gens qui sont ici, si on leur offre une porte qui s'ouvre, qui les amène vers un monde sûr, meilleur, parfait, ben, la majorité des gens qui sont ici ne voudront pas traverser. Le pire, ça va être parce que, mettons qu'il y aurait une partie de hockey entre Canadiens, je ne sais quoi, pour la Coupe Stanley, ben, il y en a qui ne voudront pas partir de suite pour ne pas manquer le match. La majorité, ça va être parce qu'ils ont des valises à faire avant de partir. Puis la grande majorité, ça va être parce qu'ils ne peuvent pas abandonner du monde avec qui ils sont attachés. Bon. Mais, ouais, mais tout ça est totalement absurde. Le cave qui va aller, si c'était réel, je l'appelle le cave, qui va aller leur dire « voici une situation parfaite ». Parce que s'il est capable de voir la situation parfaite, pour ces gens-là, il va certainement, c'est pour ça que je l'appelle le cave, il va certainement voir qu'ils ne sont pas capables de. Ils n'ont pas le taux vibratoire pour accéder à l'autre côté de la porte. Et c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de porte. Ça. Parce qu'il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de cave. OK. Mais l'humain doit s'arranger pour. Parce que toutes les questions que tu poses, c'est des questions qui sont beaucoup plus fondamental que ça peut paraître comme ça au départ. Parce que la question, à un moment donné, ou bien on n'en a rien à cirer de la réponse, parce que ça ne fait même pas partie de l'intérêt de notre présence, mais c'est une question qui mène à l'intérêt. À un moment donné, si tu es capable de découvrir que ton corps de chair, c'est un véhicule, que tu peux sortir, t'en aller, voyager, revenir, en prendre un autre, etc., puis que tu découvres les mécaniques de comment ça se fait, la question, pourquoi y en a-t-il qui meurt, pourquoi y en a-t-il qui vit, ou comment faire pour ceci ou cela au niveau du corps physique, est de moins en moins importante. Elle n'est pas importante, mais lorsque l'individu comprend comment ça fonctionne, Daniel, ça lui permet de voir plus grand. Oui, c'est pour ça que je dis que la question peut nous amener à quelque chose de vraiment important, mais l'humain n'a pas encore suffisamment de volonté de conscience pour qu'on puisse aborder le sujet d'une façon pratique. Parce que l'être humain peut sortir du corps physique, peut changer de corps physique, il peut aller voir dans le corps d'un autre comment que l'autre voit la vie, il peut rentrer dans le corps d'un chien pour voir comment le chien voit la vie. Oui. Mais c'est des choses qui, okay. Même là, sont pas, à moins que tu aies un livre à écrire, alors. Non, non. Les chiens. Ceux qu'ils font présentement sont très rares sur la planète. Ah oui, c'est parce que c'est des petits tests. Pour l'homme qui a à le faire, c'est un test qui vit avec son corps physique. Mais l'homme qui est rendu à ce point-là, ne fait pas ça pour s'amuser. Vois-tu, il faut comprendre que 99,9% des êtres humains, des véhicules physiques habités, sont des jouets. C'est un passe-temps du temps. Absolument. Bon. Absolument. Et les individus reçoivent des bribes d'informations, et ces bribes-là viennent engendrer chez elles, une illusion de conscience qui va nécessiter rapidement une éducation pour empêcher l'illusion de conscience de mettre fin à la présence du corps physique, donc les animaux suicides. Mais les individus, 99,9% des gens, ne sont pas là. C'est des corps physiques animés de mémoire, de concepts, mais sont pas là. Pas présentement, parce que... Dans l'avenir. Ça débute. C'est l'ère du Verseau qui débute. Ouais. Tu parles de l'ère du poisson. Tu viens de décrire un individu de l'ère qui vit dans l'ère du poisson. L'ère du Verseau aussi, ça va être comme ça. Au début. L'ère du Verseau ne sera pas ce que l'humain s'attend à être. L'ère du Verseau. Il va y avoir des gens de l'ère du poisson dans l'ère du Verseau. Non, il va y avoir quelques personnes de l'ère du Verseau dans l'ère du Verseau. Toutes les autres sont du même monde, l'ère du poisson. Oui, c'est ça. Parce que l'ère du Verseau, ce n'est pas une ère extraordinaire. L'ère du Verseau, c'est une ère dans laquelle on va être juste... à peu près identique. L'humain va simplement... C'est une dimension de plus qui additionne à sa... Pas encore. Ah non, pas encore. Mais l'ère du Verseau, c'est pour amener une nouvelle dimension à l'homme. Non. L'ère du Verseau, je vais t'expliquer c'est quoi ça. Non, mais tu peux pas dire non parce que c'est ça. Bon, OK. Oui. Oui. L'ère du Verseau, le maximum que l'ère du Verseau, les 2000 années qui vont venir, 2200 années, le maximum que l'ère du Verseau va amener à l'humain, ça va être simplement que son espoir, au lieu d'être braqué par là, comme il est dans l'ère du poisson, va être braqué ailleurs, typiquement de l'ère du Verseau. Il n'y aura rien de nouveau, il n'y aura rien de plus. L'humain, au lieu de s'entretuer pour les dieux, va s'entretuer pour la paix et l'or. Simplement que le concept même... D'ailleurs, ça va vouloir dire oui, ça, dans l'air du verso. Pas aujourd'hui. Alors, c'est ce qui compte. Parce que l'air du verso... Dans les 2000 prochaines années, l'humain n'aura pas changé. Daniel, tantôt on a décrit, comme tu as mentionné, j'ai décrit d'une façon spirituelle ce qui se passait. Les trois principes qui passent à travers ce qu'on appelle l'île du paradis, qui est l'esprit. Ça, c'est réel. trouves un autre mot qui est moins spirituel, si tu veux, mais ça, c'est la réalité, qui contient ces trois principes qui ont été fusionnés, peut-être pas fusionnés, là, mais qui ont été embranchés, puis on baigne dans cette énergie. Toute forme qui peut... ça prend une forme pour la manifester. Pour manifester... Ça prend une forme pour... Pas pour être... Écoute bien, une pensée, c'est une forme. Une pensée, c'est une forme. Oui. OK? Alors, une pensée, c'est une forme. Un Melchizedek, c'est une forme. Oui. Les anges, c'est des formes. Tout est une forme, OK? Tout ce qui est forme est forme. C'est ça. Bon. Incluant la pensée. Mais ça prend pas une forme pour le manifester, ça prend une forme pour le percevoir. Puis lorsqu'il y a perception et qu'il y a utilisation, à ce moment-là, il y a manifestation seulement. Un instant, on est très très haut là, ça paraît pas là, mais dans la réalité plus réelle, l'être humain a toujours dit que la forme permettait la manifestation. J'ai dit ça aussi. Il fallait une forme pour permettre la manifestation. Pour qu'il y ait manifestation de l'esprit... Il faut une forme. Il faut une forme. Bon, mais c'est faux. Pour qu'il y ait perception de l'esprit, il doit y avoir une forme. Ça, c'est uniquement vrai pour l'humain. Perception de l'esprit par le manifesteur, je suis d'accord avec toi, si tu te dis comme ça. Non, pas par le manifesteur. Par l'humain. Ben, c'est ça, c'est lui qui le manifeste. Non. Il devient le manifesteur. Un instant. La personne qui atteint le verbe, OK? La personne qui atteint le verbe. Parce que c'est très subtil. C'est subtil, mais là, il faut que ça soit clair, justement. La personne justement. Qui atteint, Daniel, qui a le verbe, manifeste l'esprit. Vois-tu, ce que je veux dire, c'est que... C'est parce que je ne veux pas tout mélanger en même temps. Il y a des concepts qui sont encore très utilisables par l'homme. Alors, il ne faut pas amener trop vite un concept, un anticoncept, qui te propulse beaucoup plus haut ou qui te propulse beaucoup plus bas. Apparemment, tu as la possibilité de comprendre. L'intelligence a besoin d'une forme pour être exprimée. C'est un concept intéressant qui se prouve facilement, régulièrement. Pas de forme, pas d'expression. Donc, l'humain est une forme intéressante, et plus la forme est précise, plus l'intelligence va être subtilement exprimée d'une façon plus adéquate. Mais, d'un certain côté, ça, c'est une vision humaine. C'est une vision physique. On est dans le corps physique. Oui. Le Melchizedek, qui n'est pas dans un corps physique, il vit la manifestation, pas comme l'homme peut la vivre dans la matière. Non. Il va la vivre différemment, oui. À son niveau. Oui. Mais nous, on est dans un corps physique. OK? Oui. Puis là, c'est comme ça qu'il faut le regarder, selon ce qu'on peut percevoir. Bon, ce que tu dis se rapproche de ce que je veux dire, mais je suis certain que tu ne le sais pas. Amène-le. L'intelligence n'a pas besoin du corps physique pour s'exprimer. Mais toi, tu as besoin que l'intelligence s'exprime dans un corps physique pour être capable de la percevoir. Oui. Mais l'intelligence n'a pas besoin de la forme pour être exprimée. Mais s'il n'y a pas de forme, tu ne l'aperçois plus. Elle ne s'exprimera pas. Tu ne la percevras pas. Mais il n'y a pas de manifestation de l'esprit. Il y a une manifestation. S'il n'y a pas de forme. C'est ça qui est le... Non. Elle est là. Elle est réelle. Elle est même pas palpable par tout ce qui est en dehors des formes. Est-ce qu'une onde radio a besoin d'une radio pour être manifestée? Elle est réelle, l'onde, mais elle n'est pas manifestée tant qu'elle n'a pas passé par la petite boîte. Non. Nous, pour percevoir l'onde réelle, nous aurons besoin d'une forme. Oui. Mais l'onde a toujours été exprimée quand même. OK. Quand on dit que l'intelligence contient tout... On ne dit pas ça. Si je dis l'intelligence contient tout, OK? Oui. Ce tout-là, il n'est pas manifesté. Il n'est pas perçu. Il n'est pas matérialisé. Okay. Non. Alors, nous, on est dans de la matière. Oui. Il faut parler à notre niveau. Il ne faut pas parler au niveau des Melchizedek. On n'a pas tous des Melchizedek ici. Là. Non, mais je parlais pour moi, là. Mais je ne suis pas Melchizedek non plus. Mais moi, je parle pour Pour moi. C'est ce qu'il faut. Bon. C'est ça, Daniel. Chaque forme, la forme melchisédienne, peut manifester l'intelligence. Mais c'est une forme. Si... Il faut faire attention. L'intelligence est comme de l'eau dans la mer. Si... Non, c'est pas bon. Non, c'est ce que je pensais. C'est pas bon. L'intelligence est comme de l'air dans l'atmosphère. C'est pas bon non plus. Bon, l'intelligence, parce qu'il y a plusieurs... On peut donner beaucoup de significations à l'intelligence. Mais, selon toi, toute l'intelligence qui est sortie, tout l'esprit sorti de ce qu'on appelle l'île du paradis, est manifesté. On va te dessiner ton île du paradis. À différents niveaux. Est-ce que c'est ça, Daniel, que tu veux dire? L'île du paradis, c'est un concept. Oui. Il y a actuellement, nous sommes, il faut se simplifier la vie, il faut accepter, à un moment donné, d'abandonner des choses. Il faut accepter d'abandonner l'ego. La façon la plus évidente d'abandonner l'ego, c'est d'accepter de se faire parler. Hier, nous discutions tous les deux. Ça paraît pas, mais en privé, on s'entend bien. Et nous étions d'accord pour dire que l'air du poisson, la conscience, on dit l'évolution, l'humain n'était pas tellement conscient dans l'air du poisson, il évoluait. Mais le rythme de conscientisation, d'évolution dans l'air du poisson pouvait se faire tout seul. Un être humain peut s'en aller dans un ashram, s'en aller au fin fond du désert, se planter dans un trou, méditer, etc., et puis il pouvait avancer. Nous, on discutait que dans l'air nouvelle, au niveau de la conscientisation, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Alors que dans l'air du poisson, c'était possible de s'en sortir seul, parce que si vous voulez vous en sortir seul, vous devez vous en égoïser, puis vous ne pouvez pas contrôler votre ego seul. Allez-vous-en tout seul dans le désert, puis dites-vous, je suis le plus beau, le plus belle. Et dites-vous, ouais, c'est-tu de l'ego, ça? Oh non, c'est une réalité, pas de l'ego. Mettez n'importe qui à côté de vous, là! Il va vous dire, hey, ton gros égo épais, là, vous allez dire, bon, de la barde! Là, c'est facile d'avoir les égos. L'humain ne peut pas prendre conscience puis grimper dans l'autre air seul. Il doit nécessairement le faire avec d'autres. Parce qu'il n'y a rien comme un autre égo pour attirer un égo. Dans le passé, l'humain recherchait la plénitude, le calme, l'harmonie, la mort. C'est dans l'air du poisson. Là, il n'y a rien de mieux comme être tout seul. Mais dans l'ère nouvelle, tu dois t'associer. Ça veut dire que l'être humain doit obligatoirement accepter que quelqu'un vienne lui dire « sors, sors, sors, sors, fais ci, change ça, change ça ». Ça pogne l'ego, mais quelqu'un qui se dit « écoute, on est bien tous les deux, pas besoin de la gang de singes que là, là, on s'en va tous les deux, on vit notre petite affaire, pas de conscientisation ». Parce que nos égos vont rester toujours là, puis ils ne s'apparaîtront plus. Mais on n'ira pas, tant qu'on a de l'ego, on n'a pas de place pour recevoir de l'intelligence. L'être humain, ce qu'il doit comprendre, donc il doit se négoïser, parce que la négoïsation va faire en sorte que vous allez être de plus en plus vibrant intelligemment, et vous allez être capable de plus en plus de percevoir la subtilité des choses. Puis la subtilité, c'est un mot encore bien plus important que ce qu'on peut penser. Présentement, nous sommes, l'histoire est ici, le présent est ici, et le futur est ici, et ça mène, il n'y a pas juste le futur. Ici, je te donne une dimension qui est la dimension temporelle, passé, présent, futur. Il y a la dimension spatiale. Il y a là-bas, en arrière, il y a ici, où nous sommes, et il y a là-bas, et il y a écrit comme du monde, en avant. Le là-bas en avant pourrait être, par exemple, l'île du paradis, qui pourrait être un objectif spatial, dirigé vers l'île du paradis, soit en vaisseau, soit dans l'évolution, soit avec le temps, etc. Et on peut aussi avoir un là-bas en arrière qui peut aussi être l'île du paradis, donne un exemple. L'humain est ici présentement au niveau spatial, l'humain est ici dans le présent au niveau temporel. L'humain va... Ce qu'on doit comprendre, tout le monde, c'est que il y a des façons différentes de se déplacer. Il y a, par exemple, une distance. Alors, d'ici à la table, il y a, par exemple, 3 mètres. Alors, je devrais me déplacer de 3 mètres pour atteindre la table. Ça va pour ça? Bon. Par contre, je peux aussi mesurer ça différemment. D'ici à la table, il y a 2 secondes. Ça veut dire que je devrais me déplacer dans le temps. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Dans 2 secondes, je suis là-bas. Donc, je devrais me déplacer dans le temps pour aller rejoindre le moment où je suis ici. Et il y avait un décalage de 2 secondes. L'humain qui voit les 4 dimensions en même temps va dire, « Oui, mais il a fallu que tu fasses les 3 mètres et les 2 secondes. » Dans notre continuum actuel, je ne peux pas, apparemment, me déplacer dans 3 mètres sans me déplacer dans le temps. Donc, je ne peux pas être instantanément là en étant instantanément ici. Mais en même temps, dans le domaine actuel, je peux me déplacer de 2 secondes dans le temps sans me déplacer dans la matière. Donc, je n'ai qu'à pas bouger. Pas 2 secondes. Bon. Ce que l'humain doit saisir, c'est que d'ici à là-bas, il y a une distance qui est physique, quelques milliards de parsecs, et il y a une distance qui est temporelle, quelques milliards d'années. L'humain considère injustement que le temps est quelque chose qui coule comme de l'eau, comme une source. Ce que l'humain doit saisir, c'est qu'il peut l'humain a le contrôle de la matière actuellement. L'humain peut s'en aller jusqu'à une place. Par exemple, tout le monde peut aller jusqu'à un haut-parleur. Dans sa vie, là, tout le monde aura la chance un jour d'aller jusqu'à un haut-parleur. Bon. L'humain peut aller jusqu'à un tableau. L'humain peut aller jusqu'à un mur. Ce que l'humain ne sait pas, puis l'humain peut revenir au haut-parleur. Autrement dit, dans la conscience astralisée de l'humain actuellement, il y a en arrière, en avant et ici. Autrement dit, il y a ici, il y a le futur, la chaise, ici, qui est maintenant le présent, et je peux, dans la matière, retourner dans le passé que nous allons appeler en arrière. Donc, là-bas. Alors, je retourne dans le passé. Je peux, à volonté, actuellement, avec la conscience astralisée de l'humain, l'humain peut, à volonté, voyager dans le futur matériel, dans le passé matériel, dans le présent matériel, c'est-à-dire qu'il peut aller là-bas en avant, là-bas en arrière, il peut être ici. L'humain dans la matière contrôle à peu près comme il veut. La problématique, c'est que l'humain ne comprend pas que le phénomène du temps est aussi une plateforme qui existe tout en même temps comme la matière. Ma chaise, mon haut-parleur et mon plancher existent tous en même temps. Je ne suis pas à la chaise, je ne suis pas au haut-parleur, mais je contrôle tellement bien mon déplacement dans la matière que je peux y aller, je peux aller à l'autre. Le temps, c'est la même chose. L'humain doit comprendre à un moment donné que demain, c'est un lieu temporel et pour t'y déplacer, il y a une distance qui est 24 heures et que si tu démarches cette distance-là pendant 24 heures, tu vas y arriver. La problématique, c'est que l'humain est sur dans un corps qui, lui, se déplace déjà. Il a une énergie cinétique, il est en mouvement, dans un déplacement, exactement comme si j'embarque sur un roulis roulant et qui est déjà en marche vers toi, eh bien, je suis dessus, et que je le veuille ou non, je me dirige matériellement vers toi, et je ne peux pas m'en aller en arrière. Alors, l'humain, au niveau du temps, il est dans cette illusion. Il va donc en déduire que le temps coule du passé vers l'avenir, donc de là-bas vers là-bas, de l'arrière vers l'avant, et on n'a pas le choix. Et on va appeler cela de l'irréversibilité. Si je passe devant un endroit où je peux prendre un verre d'eau, puis que je ne le prends pas, bien, mon roulis roulant il continue, puis je me dis trop tard. Je ne peux plus rien faire. J'attends le prochain bénitier. Bon. L'humain doit comprendre que le déplacement dans le temps est identique au déplacement dans la matière. Il peut le contrôler. Actuellement, l'humain se laisse défiler son roulis roulant dans le temps. Il s'en va par là. L'humain, ce qu'il doit comprendre, c'est que de par les principes spirituels basés sur la cognition temporelle, c'est-à-dire le fait de connaître la mécanique du temps telle qu'on la connaît aujourd'hui au niveau de l'illusion, l'humain va donc en déduire, un, qu'il a vécu dans le passé, qu'il va vivre dans l'avenir, alors que nous savons tous que nous vivons tous nos vies en même temps. Alors, si par exemple, tu es la réincarnation de tel personnage que tu as vu là 2000 ans, tu n'es pas la réincarnation, tu vis là 2000 ans maintenant, tu vis là 300 ans, tu vis maintenant, tu vis dans l'avenir aussi, et nous vivons une seule vie, tout en même temps. Puis là, je vais devoir continuer, je pense, cet élan spectaculaire, après la pause. Tantôt. Thank you.